salut mon petit cornichon. Ouais, j'accrape, j'ai le cas, on part en Algérie, vous invitez pas ça qui est 19. En plus, je vais dans ma ville, l'Albert 19, c'est mort, je prends mes bagages, j'arrive. Et prépare du morito et des cornichons, ou à foutre le bordel. Facile, et de malade. En claquette dans la vie, je me balade. Sauf que c'est moi qui claque tout le bénef. Marre du travail des patrons qui chaînent neuf. Oublie tes soucis, décolle avec moi. De la France, y'en a marre. Allô ? Ouais, vous êtes où là ? Je vous attends depuis tout à l'heure. Vous faites quoi là ? Vous êtes parti sans moi ou quoi ?